Bonjour à tous, bienvenue dans On va jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale, à la scène comme à l'écran. Donc on est toujours Fanny et Anna. Et pour notre deuxième épisode de Table Ronde, on retourne au classique avec l'évidence même de la quintessence du genre au cinéma, une œuvre que tout le monde connaît, c'est-à-dire Chantons sous la pluie ou en anglais Singing in the Rain. La version scénique revient au Grand Palais. Elle a été créée au Châtelet en 2015 et elle revient à partir du 25 novembre au Grand Palais. Elle devrait, d'après ce que j'ai compris, mais ça tarde un peu, venir sur Broadway un de ces jours. Donc c'est l'occasion de nous replonger dans cette œuvre qu'on connaît tous absolument par cœur. On va débattre donc du film de 1952 de Gene Kelly et Stanley Donen, mais aussi donc de ses différentes adaptations scéniques. Alors, avec nos deux invités qui sont Ente Bin, maître de conférences en cinéma à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où il donne notamment un cours sur l'histoire du musical hollywoodien, et qui est auteur ou directeur d'une vingtaine d'ouvrages et membre du comité de rédaction de la revue Politif sous la plume de Yann Tobin. Et notre autre invité, c'est Pauline Le Gall, journaliste pigiste dans la culture, passionnée de comédie musicale et auteur du très bon blog gotadance.tumblr.com. Alors, on va d'abord poser à nos invités une première question qui est comment ont-ils découvert Chantons sous la pluie? Est-ce qu'ils ont un souvenir à partager sur ce film qui est souvent la première comédie musicale qu'on voit ou celle qui donne le goût pour le genre? Alors moi, en fait, non, c'est loin d'être la première comédie musicale que j'ai connue. C'était même devenu une sorte de film mythique, d'obsession. Parce que depuis que je suis gamin, mes parents, même ma marraine, m'emmenaient voir des musicales. Et par exemple, j'ai connu en premier, je pense, les films avec Fred Astaire et Ginger Rogers, qui passaient dans un grand cinéma près de l'opéra qui s'appelait le Studio Universel, où ils passaient des dessins animés et des musicales. Comme quoi, c'était considéré comme des films pour enfants ou pour jeunes, en tout cas pour les jeunes spectateurs. Et du coup, je m'intéressais, je commençais à être jeune cinéphile, je devais avoir 13-14 ans, et puis je commençais à lire sur le genre, à regarder des livres avec des photos. Et évidemment, Chantons sous la pluie, c'était le grand classique partout cité. Mais c'était une époque, c'était avant la vidéo. Là, je vous parle du début des années 70. Et en fait, pour voir des films de patrimoine, des films anciens, il fallait juste attendre qu'ils soient programmés en salle ou attendre qu'ils passent à la télévision ou à la cinémathèque. C'était comme j'étais parisien, la cinémathèque française, c'était déjà un vivier extraordinaire. Bon. Mais ça faisait longtemps que Chantons sous la pluie n'avait pas été réédité. Et je me souviens, il était passé à la télévision, et à l'époque, mes parents, qui étaient assez stricts sur l'heure où il fallait aller se coucher, m'avaient pas permis de rester le voir. Je crois que c'était une émission qui devait s'appeler Grand Écran. À l'époque, il devait y avoir deux ou trois chaînes, pas plus. Et voilà, il y avait une soirée spéciale Chantons sous la pluie. Mais du coup, c'était en deuxième... Enfin, il y avait d'abord tout un avant-programme, ce qui fait que le film commençait assez tard. Et je me rappelle que le lendemain, mes copains à l'école, qui connaissaient déjà mon goût pour les musicals, m'avaient dit « Ah, c'était génial hein !» Et moi, j'avais vraiment les boules. Hein, c'était horrible. Et même si la plupart d'entre eux l'avaient vu en noir et blanc, je crois que c'était en plus en VF, y compris avec les chansons doublées en français. C'est pas grave. Hein. Là où j'ai quand même eu de la chance, c'est que je pense au milieu, vers 72-73, les studios Action l'ont ressorti dans un cinéma qui n'existe plus maintenant, qui a été transformé en théâtre. C'est l'Action République. Et c'est une copie neuve, Technicolor. À l'époque, on tirait encore des Technicolor trichrome extraordinaires. Et je me souviens, j'y suis allé genre le jour où c'est sorti, parce que ça avait été annoncé dans leur programmation. Il y avait une queue qui faisait quasiment le tour du pâté de maison. Et il y avait une excitation extraordinaire. C'était fabuleux. Et voilà, et je pense que je suis resté deux séances de suite. Parce qu'à l'époque, on pouvait. C'est le cinéma permanent. Alors, c'était un peu long comme introduction, mais... Merci pour ce souvenir. Moi, je vais avoir une histoire beaucoup moins intéressante à raconter, du coup, mais je dirais que c'est plus comme les cinéphiles de ma génération, où, voilà, à un moment, je me suis dit que j'avais envie de voir tous les grands films, vers 16-17 ans. Donc, à cette époque-là, j'avais pas une grande connaissance de la comédie musicale, mais j'ai commencé à rattraper mon retard. J'aimais beaucoup les films des années 50, et donc, je suis tombée sur Chantons sous la pluie, hein, très, très logiquement. Et c'est un film pour lequel j'ai eu un coup de foudre absolu. Enfin, j'aime absolument tout dans Chantons sous la pluie, de toute façon, la musique, le rythme, l'histoire, la place que ça a dans l'histoire du cinéma. Et donc j'ai vu cette première fois et ça n'a pas tout de suite déclenché une passion pour la comédie musicale, je pense. Mais ensuite, il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai commencé à voir beaucoup de comédies musicales au Châtelet. Donc qui a été vraiment ma maison ces dernières années et que j'adore ce théâtre. Et donc en voyant en fait beaucoup de comédies musicales sur scène, j'ai commencé à voir beaucoup de films dont je suis revenue à Chanson sous la pluie, mais aussi à tous les grands classiques. Voilà, je ne l'ai pas découvert au cinéma malheureusement, mais j'aurais vraiment bien aimé parce que je pense que c'est vraiment un film à voir. Mais vous vous rendez compte, j'ai failli le découvrir à la télévision en noir et blanc et en français quand même. Hein. Alors, je l'ai échappé belle. Hein. Comment ça marche ce genre de comédie musicale en français? Je sais pas, ils traduisent pas les chansons. Quoi. Les chansons sont traduites. Et alors, ça marche très bien auprès des petits-enfants qui savent pas lire les sous-titres. Ils apprécient, ils adorent même. Parce que, c'est un film qui a tellement de qualité. Bon. Il vaut mieux quand même le passer en couleur, hein, je recommande. Oui, quand même. Mais la grosse déception en fait de la version française, c'est que la voix de Lina Lamont n'est pas du tout fidèle. C'est-à-dire qu'elle a presque une voix normale, donc on comprend pas pourquoi c'est si important de la doubler et que sa voix passera pas à l'écran. Et donc il y a bien des chansons traduites en français. Absolument. Ouais. J'étais pas sûre, mais j'ai l'impression, en étant plus jeune, d'avoir vu un Américain à Paris. Oui. Avec des chansons en français, et personne n'a pu me le confirmer, donc je pense avoir rêvé. Merci. Ah non, moi j'ai un Américain à Paris aussi avec, avec la piste française, les chansons sont en français. Par contre, j'ai l'impression que sur les DVD récents de Chantons sous la pluie, les chansons sont en anglais, il me semble. Ah, ouais. Parce que moi j'ai jamais entendu la VF. Ouais. Finalement, les chansons font pas avancer le récit, particulièrement le sens des paroles. Mais ce qui est très bizarre en français, c'est que comme tout le film repose sur la synchronisation des dialogues et le doublage, et l'invention du doublage même, du coup, c'est vrai que pour des adultes, ça passe pas. Pour des tout petits enfants, ils feront pas attention. Mais c'est vrai que c'est très gênant dans un film dont l'un des sujets est la post-synchronisation. Synchronisation et le doublage, de le voir dans une autre langue. Je chante sous la pluie, je danse sous la pluie, miséreux, tout mouillé, quand même à l'anguille, amour transi, je ris au vent fou, soleil dans mon cœur, c'est l'amour, mon atout. Si la pluie, le brouillard ont vidé le boulevard, la pluie me rend gaie, la pluie moi, ça me plaît. Ma tôle sous le grain, en chantant un petit refrain, joli chant, touchant de la pluie. Et donc toi, Anna, comment est-ce que tu as découvert Chanson sur la pluie? Alors, moi non plus, ça n'a pas vraiment été un des films de mon enfance. Les comédies musicales de mon enfance, c'était La Mélodie du Bonheur et Peau d'âne. Mais quand j'ai eu 15 ans, je ne sais plus exactement pourquoi, j'ai voulu revoir ce film que je sais que j'avais vu quand j'étais petite, puisque c'était un des films préférés de mon père. Et ça a été une révélation. Je suis devenue fan de Gene Kelly, absolument. J'ai voulu voir tous les films de Gene Kelly. Je suis devenue fan de comédies musicales. J'ai voulu voir toutes les comédies musicales. Et ça a été un peu le fondement de ma cinéphilie. Et toi, Fanny? Ben moi, du coup, c'est un petit peu comme toi. C'est sans doute pas la première que j'ai vue, parce que je pense que vraiment, mon film culte d'enfance, c'est Le Magicien d'Oz. Mais Chantons sous la pluie, j'avais dû le voir plus jeune. Ça m'avait plu, mais ça m'avait pas transformé comme ça a pu le faire quand je l'ai redécouvert. J'étais en quatrième, je m'en souviens assez bien parce que j'avais fait un exposé sur Gene Kelly en cours d'anglais dans la foulée. Et donc à l'époque, ma mère, qui est institutrice, faisait un spectacle de fin d'année avec ses élèves autour de Chantons sous la pluie. Ma grand-mère faisait les costumes du spectacle, c'était une affaire de famille. Donc j'écoutais beaucoup la chanson à la maison, j'ai revu le film avec ma mère. Et là, bah, un peu comme toi, ça a tout changé. Je suis devenue raide dingue de Gene Kelly, obsédée par Gene Kelly. J'ai d'ailleurs changé de passion du jour au lendemain. J'étais fan d'X-Files et je me suis devenue fan de comédie musicale. Et bah, ça a un peu tout déterminé. Hein. J'ai fait des études de cinéma, j'ai fait une thèse sur la comédie musicale. Vraiment, je pense que cette découverte de Chantons sous la pluie en quatrième a tout changé pour moi. Voilà, donc maintenant qu'on a vu que c'est un film qui a une importance, qui est un film culte et qui a tous un peu pour nous fonder un peu notre cinéphilie et notre amour de la comédie musicale. On va parler du film en lui-même, et on commençait assez naturellement par le contexte de développement du projet Chantons sous la pluie. En fait, le producteur Arthur Freed, à l'époque à la MGM, a eu l'idée de réutiliser les chansons qu'il avait écrites, notamment avec le compositeur Nacio Herb Brown, pour des films musicaux du début du parlant, fin des années 20, début des années 30. Il a voulu faire un film autour de ces chansons-là, donc qui sont Singing in the Rain, You Are My Lucky Star, Good Morning, etc. Donc les chansons, notamment Chantons sous la pluie, Singing in the Rain, pardon, la chanson, on l'entend déjà dans plusieurs films avant le grand film qui porte son nom. On l'entend notamment dans les Review de 1929, chantée par Ukulele Ike, et donc accompagnée au ukulélé. On l'entend également dans une version par Judy Garland, dans Babes in Arms. Et Babes in Arms d'ailleurs qui... Dans Little Nelly Kelly. non, parce que en fait, c'est Good Morning qui est dans Babes in Arms. Et puisque j'allais dire justement, dans Babes in Arms, on en a deux autres du coup, c'est ça, c'est on a Good Morning et You Are My Lucky Star. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. The stormy clouds chase everyone from the place, and come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain and singing in the rain. Oh, I'm singing in the rain. Et du coup, il y a deux chansons qui ont été composées en plus pour le film Singing in the Rain. C'est Moses Supposes, qui a pour le coup été composée par Roger Edens, donc c'est pas une chanson d'Arthur Freed. Et la fameuse Make Him Laugh, qui a été conçue comme étant... on a demandé à Arthur Freed, on lui a dit, il faudrait un numéro qui ressemble à Be a Clown de Cole Porter. Donc, chanson très connue qu'on entend notamment dans Le Pirate de Vincent Minnelli. Et il est revenu avec une chanson qui était une copie de Be a Clown et que personne n'a osé lui dire que c'était quand même un peu problématique. Donc, on l'a tournée comme ça. J'ai l'impression que les gens ont essayé de lui dire et que, de toute façon, des gens l'ont dit à Cole Porter, qui, très grand seigneur, et qui continue à travailler avec Arthur Freed, a décidé de ne pas donner suite. Choisi d'ignorer. Oui. Parce que ça, en fait, ça, tout le monde, ça sautait aux yeux et sautait aux oreilles de tout le monde. Be a clown, be a clown, all the world loves a clown. Show them tricks, tell them jokes. You'll only stop the top folks. Dress in huge baggy pants, and you'll ride the road to romance. A butcher or a baker, ladies never embrace. A barber for a ball would be a social disgrace. They all will come to call if you can fall on your face. Be a clown, be a clown, be a clown. Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My dad said be an actor, my son. But be a comical one, they'll be standing in lines for those old honky-tonk monkey shines. Now you could study Shakespeare and be quite elite, and you could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a banana peel, the world's at your feet. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Donc, Chantons sous la pluie, c'est le deuxième film en collaboration de Gene Kelly et de Stanley Donen, après On the Town, Un jour à New York, et avant It's Always Fair Weather, Beau fixe sur New York. Ce que j'ai lu d'intéressant, c'est que Freed, puisque le film était basé sur ses chansons, il imaginait plus que ce soit un film de chansons, de chants, et Kelly a vraiment insisté pour que ça soit un film de danse, et c'est ce qui est devenu le film, c'est quand même un film de danse, principalement. On peut aussi évoquer les scénaristes du film, qui sont Betty Comden et Adolph Green, qui on avait... a déjà parlé dans un des podcasts consacrés à... Wonderful Town, tout à fait. Et c'était aussi les scénaristes de On the Town et aussi de Tous en scène. Enfin voilà, ils sont partout dans la comédie musicale de la MGM. Ils ont trouvé l'idée à partir des chansons d'Arthur Freed qui dataient du début du parlant. ils ont trouvé l'idée justement de situer l'action du film au moment où ces chansons ont été écrites, c'est-à-dire au moment où le cinéma passait du muet au parlant. D'abord, il y a eu l'idée de situer ce film dans ces années-là. Puis, en deuxième tour de table, l'idée que ça se situe à Hollywood. Et au départ, il devait s'agir, je crois, d'un cow-boy chantant. Et ils avaient pensé à Howard Keel, qui venait de faire ses débuts dans Annie Get Your Gun, Annie Reine du Cirque. Qui refera un cow-boy dans Calamity Jane. Absolument. Et qui avait un physique de cow-boy. Et à partir du moment où ils ont pensé que Gene Kelly serait idéal pour jouer le rôle, c'est évidemment là que le film est devenu plus un film de danse qu'un film de chant. Et Gene Kelly, faut dire, à cette époque-là, était sur le point de devenir une méga superstar. Un Américain à Paris n'était pas sorti, mais tout le monde déjà en parlait. Et voilà, on pouvait rien refuser à Gene Kelly en 51-52. Ils referont d'ailleurs la même transposition quand Minnelli dirigera Brigadoon, mettra en scène Brigadoon, qui au départ était un musical essentiellement de chant, de Lerner et Lowe, transformé par Kelly, Minnelli, Fried, en dance musical. Du coup, aussi, Gene Kelly a vraiment apporté une place vraiment importante dans l'histoire de la danse, mais il a aussi influencé beaucoup le style des autres comédiens sur le tournage. Et du coup, on sent vraiment sa patte tout dans le film. Enfin, moi aussi, je suis une grande fan de Gene Kelly. Donc, il y a Gene Kelly et Stanley Donen, qui les frères ennemis du musical, mais à l'époque, qui s'entendaient, paraît-il, très très bien. Donen étant comme une sorte d'alter ego de Kelly qui a quand même 5 cordes à son arc et qui a une charge énorme sur ses épaules puisque c'est la star du film. Les autres interprètes ne sont pas des stars en fait. Ils le deviendront certains grâce à ce film. Mais acteurs, chorégraphes, chanteurs, danseurs. Donc, et co-metteur en scène, co-réalisateur avec Stanley Donen. J'ai vu une interview récente de Stanley Donen, qui est toujours parmi nous, et qui disait que, quand même, Fred Astaire était le plus grand danseur au monde. Donc, j'ai quand même trouvé ça un peu triste qu'il lâche Gene Kelly comme ça. Bah, je pense que depuis le tournage apparemment horrible de Beau Fixe sur New York, mais avec. C'est pas le meilleur, quand même. Que moi j'adore, c'est un film que j'adore. Ce qu'il y a, c'est qu'en plus, c'est un film sur des amis qui se séparent. Et donc, ce tournage s'est passé dans des conditions épouvantables. Et depuis le milieu des années 50, Kelly et Donen ne se parlaient plus. Je souhaitais partager avec vous une source que j'avais pu consulter pendant ma thèse, qui sont les preview card reports, donc les rapports réalisés à l'issue des previews que les studios organisaient pour tester les films avant leur sortie en salle. Et donc, comme tu disais justement, Bean, c'est vrai que Gene Kelly, à l'époque, il est au firmament de sa staritude, de son... Et le rapport le souligne précisément. C'est intéressant de noter que les films avec Gene Kelly ont des niveaux particulièrement hauts, enfin des ratings, des notes particulièrement hautes. Donc vraiment, Gene Kelly porte le film. Mais ce qui est intéressant de constater à l'examen de ces reports, c'est que c'est pas lui qui est la star préférée, en tout cas le comédien préféré du film, c'est Donald O'Connor qui est alors... Donc 76% des spectateurs especially enjoy Donald O'Connor. Et notamment, plusieurs vont signaler l'importance de lui donner des rôles plus grands et l'importance de le réunir à nouveau avec Debbie Reynolds. C'est réclamé. Pourquoi ne faites-vous pas plus de films avec Donald O'Connor et Debbie Reynolds? Et bien, ça sera fait l'année suivante avec I Love Melvin de 1953. C'était le petit moment spectateur. Tout à fait. D'ailleurs, Donald O'Connor, pour le coup, c'est aussi dans l'idée que Kelly voulait un film de danse, tandis que Fried, au début, était plus sur un film de chant, c'est qu'il voulait reprendre Oscar Levant. Donc, Fried voulait reprendre Oscar Levant, le comédien d'un Américain à Paris qui jouait le pianiste. Ils étaient très amis, oui, parce que Oscar Levant était un intime de Gershwin. Donc, Gene Kelly a insisté pour que ça soit un danseur et a trouvé Donald O'Connor, qui effectivement est assez exceptionnel. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la rivalité ou dans l'inimitié qui a fini par se développer entre Kelly et Donen, en fait, le terrain de réunion, c'était toujours Donald O'Connor. Moi, j'ai interviewé Stanley Donen, et on lit la même chose dans les interviews de Kelly. Plutôt que de parler de leur co-réalisateur, ils se focalisent beaucoup sur Donald O'Connor, qui emporte tous les suffrages. Et à un moment, Donald O'Connor avait fait une déclaration, il avait dit « Tout le monde s'attribue le mérite de Make 'Em Laugh, je vais finir par croire que c'est pas moi qui l'ai interprété. » Moi, en fait, j'ai vu le film, c'est vraiment le personnage que j'avais préféré. Pourtant, j'allais devenir une grande fan de Gene Kelly, mais je trouve qu'il est parti. Enfin, il a cette conscience d'être un personnage secondaire, et en même temps, il prend vraiment cette place, je trouve, d'une manière assez rare dans l'histoire du cinéma, où c'est ce personnage secondaire qui vraiment a conscience de son statut, et du coup, en ayant conscience de ça, il en fait quelque chose d'assez incroyable. Bah, il y a aussi cette chose qui a été un peu atténuée, apparemment, au fil des versions du scénario de Chantons sous la pluie, c'est que le personnage de Don Lockwood a des aspects franchement pas sympathique. Alors que, et à chaque fois, il y a son pote Cosmo qui est là pour le remettre un peu dans le droit chemin, qui est le pote loyal, etc. Donc, en plus du fait d'être un danseur absolument exceptionnel, Donald O'Connor, et qui se révèle en particulier exceptionnel dans ce film-là par rapport à ce qu'il avait fait avant, où ça se sentait, mais c'était pas encore à ce point-là, il a ce capital de sympathie dès le début. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a un côté bravache et un peu hypocrite de Don Lockwood, qui est la star qui se la joue un peu, notamment lorsqu'il évoque son passé. Par contre, le personnage d'O'Connor, il est toujours franc, il dit ce qu'il pense, il dit ce que les autres pensent, il a les bonnes idées pour... Enfin, c'est lui qui a la bonne idée pour sauver le spectacle. Enfin, toutes les vertus positives, en fait, du film sont beaucoup incarnées par lui. Il a plein de petits gags qui tournent dans tout le film. Par exemple, le petit gag du cigare avec le chef du studio, qui est très drôle, qui revient plusieurs fois comme ça. Enfin, c'est vraiment un personnage super bien écrit. Oui, qui en plus est impertinent. Oui, enfin, vis-à-vis de l'autorité, il se prend pas au sérieux. Il est pas ambitieux. Il veut pas faire carrière. Il s'en fiche. C'est un accompagnateur comme ça de piano. Enfin, il s'en fiche pas. Il est content quand on lui propose de devenir directeur musical du studio. À la fin, c'est un spoiler, ça. Mais il ne, c'est pas pour ça. Lui, ce qui lui importe, c'est d'être loyal à ses amis et de bien faire son travail. Et en plus, évidemment, c'est lui qui a les numéros les plus drôles. Le numéro le plus drôle et faire rire une salle entière pleine à craquer, tout d'un coup, effectivement, c'est un moment de bonheur qui est au moins égal à celui de Gene Kelly qui patauge dans des flaques. Ça me fait vraiment plaisir que tu évoques cette dimension comique de la comédie musicale, parce que là encore, en voyant les commentaires de spectateurs, je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'hyper important et qu'on a parfois un peu oublié aujourd'hui, je pense, parce qu'évidemment, c'est vraiment sur la valeur de spectaculaire, de merveilleux qu'on juste, oui, qu'on retient ces films aujourd'hui, mais les éléments comiques, les performeurs comiques et parfois des choses qui ont peut-être plus ou moins bien vieilli, je pense aux interventions de John Munchin dans It's a Parade par exemple, mais c'est vraiment des numéros qui étaient prisés par les spectateurs et qui ressortent de manière flagrante dans les preview cards. Mais alors là, ça nous fait pointer du doigt vraiment l'une des caractéristiques de Chantons sous la pluie et qui en fait le musical le mieux aimé au monde. Hein. C'est pas un statut qu'il a eu tout de suite, mais au fil des ans et des décennies, c'est que je pense que, bon, admettons, par exemple, dans les années 30, vous aviez des films burlesques, des films comiques, avec des intermèdes musicaux. C'est ce qu'on appelait le musical relief. Et vous aviez des comédies musicales avec des intermèdes comiques, le comic relief. De la même manière que vous aviez aussi des drames avec du comic relief. C'est-à-dire que c'était des séquences ou des personnages qui étaient là pour contrebalancer un peu les autres aspects du film, que ce soit action, que ce soit mélodrame, que ce soit musique. Or, ce qui est extraordinaire dans Chantons sous la pluie, c'est que le film est d'une telle organicité, d'une telle unité, que tout est mêlé. Et ça, justement, dans Make 'Em Laugh ou dans la chanson-titre, le solo de Gene Kelly, la comédie, la musique, le chant, les personnages, on ne peut pas dissocier les uns des autres. On pourrait même pas penser dissocier un élément d'un autre. Et je ne parle pas de la couleur, du costume, du décor, etc. Au niveau de l'humour, c'est un film qui a vraiment bien vieilli aussi. Ouais. Comme tu disais, certaines comédies musicales, bon, l'humour est un peu daté, mais là, je trouve que le scénario est tellement bien écrit que finalement, les blagues passent toujours très très bien. En plus, on arrive bien à les adapter aujourd'hui avec des situations qui peuvent se passer à Hollywood. Ou même si on peut penser à la folie du truc de la 3D à un moment. Enfin, il y a toujours ce moment où les studios essayent de nouvelles choses. Et du coup, cet humour autour du changement, il est toujours d'actualité. Pour continuer sur les comédiens, après Donald O'Connor, on peut parler de Debbie Reynolds, donc la star féminine du film, qui était pour le coup un choix de casting fait par Arthur Freed. Assez audacieux, parce qu'elle n'était pas très connue à l'époque. Et elle n'était pas une danseuse très expérimentée. Et donc, elle raconte que ça a été très difficile, le tournage, avec le côté tyran de Gene Kelly qui la faisait répéter pendant des heures et des heures, qu'elle avait les pieds en sang à la fin des séquences, etc. Alors là, il y a aussi deux versions. Hein. Parce que la version de Debbie Reynolds, c'est que Arthur Freed a imposé Debbie Reynolds. Et quand Freed a annoncé à Gene Kelly, lui a présenté Debbie Reynolds en disant « Voilà ta nouvelle partenaire », la mâchoire de Gene Kelly s'est décrochée quasiment. Et il a dit « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ça ?» Je crois que c'est comme ça que Debbie Reynolds le raconte dans son autobiographie. Et Gene Kelly a une toute autre version, qui est que dès le départ avec Stanley Donen, ils avaient repéré que Debbie Reynolds... Oui, c'est vrai, il dit qu'il l'avait vue dans des spectacles et dans des films et avant. Et puis dans les films, parce qu'elle avait quand même fait un énorme succès en disque, qui était cette chanson un peu bêta, Adabadaba Honeymoon. Et il cherchait quelqu'un pour rééditer un petit peu l'expérience de Leslie Caron, qui n'avait jamais fait un film, lorsqu'il l'a choisi pour Un Américain à Paris. Il se disait, bon, on va aussi prendre, comme c'est une, elle est censée être une vraie jeune débutante dans le film, on va prendre aussi une débutante. Donc, et je pense que, comme très souvent, la vérité doit être quelque part entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a eu une phase dont Debbie Reynolds, à mon avis, n'est pas consciente. C'est qu'il y a eu une phase d'essai. Ils ont fait faire des essais à plusieurs actrices, plusieurs jeunes actrices. Et finalement, c'est elle qui l'a emporté. Puisque, apparemment, Donen et Kelly se souviennent d'avoir vu le bout d'essai de Debbie Reynolds et de dire, en accord avec Freed, ce sera elle. Donc peut-être qu'au départ, ils étaient réticents ou dubitatifs, et qu'en fait, c'est le bout d'essai qui a remporté le morceau. D'accord. Et voilà, et je voulais aussi parler de l'autre comédienne du film, donc outre Sid Charis, c'est Jean Hagen, donc l'interprète de Lina Lamont. Si j'ai bien compris, en fait, son personnage est inspiré de personnages que jouait l'actrice Judy Holliday à l'époque où elle était dans une troupe comique avec les scénaristes du film Betty Comden et Adolph Green. Donc un personnage avec cette voix au perché, etc. D'ailleurs, ils ont envisagé d'embaucher Judy Holliday, qui était une star à l'époque, qui venait d'avoir l'Oscar pour son interprétation dans le chef-d'œuvre de George Cukor, Born Yesterday. Comment l'esprit vient aux femmes en français. Qu'elle avait créé au théâtre. Ouais. Qu'elle avait aussi créé au théâtre. Elle a repris. Tout à fait. Et je pense qu'ils ne l'ont pas pris peut-être parce que peut-être c'était une trop grosse star à l'époque. Ben, évidemment. Voilà. Évidemment. Je crois que, en fait, quand ils ont envisagé, quand ils ont commencé à écrire, parce que ça a pris du temps, hein, l'écriture de Singing in the Rain, quand ils ont commencé, ils se sont dit on va peut-être pouvoir avoir Judy Holliday parce qu'elle n'avait pas encore eu l'Oscar quand ils ont commencé. Mais en tout cas, c'était déjà une star à Broadway. C'est intéressant parce qu'elle avait débuté en 1949 dans le même film que Jean Hagen. Madame porte la culotte. Voilà, ça. Adam's Rib. Je pense qu'ensuite, ça a été plutôt la reprise d'une sorte de stéréotype que Judy Holliday avait créé, qui est un peu la future persona de Marilyn Monroe, c'est-à-dire la blonde un peu très affriolante, pas très intelligente, mais qui justement dans Born Yesterday va se découvrir une intelligence, alors que le personnage de Lina Lamont, c'est pas qu'elle est pas intelligente, parce qu'elle a une ambition et elle a une soif d'ambition qui fait qu'elle est très manipulatrice. C'est intéressant d'en faire pas juste une fille un peu stupide, mais aussi une star qui veut prendre le contrôle du studio, c'est-à-dire une vraie méchante, et d'en faire le personnage le plus drôle du film. Et ça va être la seule qui, d'ailleurs, va avoir une nomination à l'Oscar. Hein, ouais. Pour terminer avec les comédiens et comédiennes, il nous reste à parler de Sid Charis. J'ai vu qu'il cherchait quelqu'un qui pouvait arrêter un homme avec sa jambe. C'était ça le prérequis pour ce rôle. Parce qu'en fait, elle apparaît vraiment très peu dans le film, mais elle marque beaucoup les esprits. Mais ce qui est intéressant, c'est que Sid Charis a une formation de danseuse classique. Et c'est par ce biais-là qu'elle va débuter au milieu des années 40 à MGM, en jouant d'ailleurs que des rôles de ballerine. Et que je pense que Gene Kelly, il l'observe. À un moment donné, donné, il était question qu'elle joue le rôle principal d'un Américain à Paris. Elle est peut-être pas assez française, peut-être non plus pas assez jeune. Et, non, c'est pas ça aussi que j'ai vu, qu'elle était enceinte au moment d'un Américain à Paris. Ouais, c'est possible, mais en tout cas, Gene Kelly n'avait pas cette idée-là, lui. Oui. Elle devait aussi jouer dans Easter Parade, et puis elle a eu un accident, je sais plus, un incident. Ça, l'une de ses spécialités, c'était... outre des petits rôles, d'avoir des apparitions dans des films de guest stars ou de juste de numéros comme ça intercalés. Comme dans The Harvey Girl, par exemple. Elle fait oui, elle fait joue de... ouais, petit numéro dansé près d'un piano. Voilà, dans Words and Music. Voilà. Donc, souvent lié d'ailleurs plus au ballet qu'à autre chose. Et Jane Kelly voyait le potentiel. Et quand il s'est agi de faire le casting... pour le Broadway Ballet, le Broadway Rhythm Ballet, qui a été tourné après tout le reste du film, quand tout le reste a été fini. C'était quelque chose qui a aussi été relativement récent, mais qu'ils avaient fait pour Un Américain à Paris. Comme c'est comme une production dans la production, le ballet. Au départ, il devait y avoir Donald O'Connor, mais il était plus libre, puisque le tournage était fini. Donc, il a fallu trouver un synopsis, un argument, une trame pour ce ballet. Donc, plutôt que de faire sur deux copains, ça s'est fait sur un héros joué par Kelly qui essaie de tenter sa chance à Broadway et une vampe sur laquelle il tombe au début, qui le fascine et puis qui va perdre et puis qui va retrouver. Donc quelque chose qui ressemble un petit peu dans un autre style à Un Américain à Paris. Un autre style, parce qu'un autre style de danse. C'est-à-dire là, on est dans les années 20, et c'est le jazz, et c'est les flappers, et c'est les premières grandes séductrices du cinéma hollywoodien, Louise Brooks, Paula Negri, voilà. Donc, et au départ, Gene Kelly pense à Carol Haney, qui est son assistante, et qui d'ailleurs jouait un rôle dansé dans Undertown. Je crois que c'est Arthur Freed qui trouve que Carol Haney n'est pas assez glamour, enfin, ou physiquement ne convient pas pour ce rôle de séductrice femme fatale un petit peu et ça va être l'éclosion de la nouvelle personnalité de Cici Harris en danseuse séductrice sur talons hauts et non plus sur dans chaussons enfin dans des chaussons de ballet et elle va à nouveau poursuivre cette veine, notamment dans le ballet final de Bandwagon, Tous en scène, puis dans d'autres films. Enfin, ça va être le début. Elle n'apparaît que dans cette scène-là. Et en plus, je crois que pas plus de 3 ou 4 minutes, peut-être 5 minutes en tout dans le film, mais elle va devenir star grâce à cette apparition. Là encore, une apparition remarquée par les spectateurs qui la notent comme un long leg, enfin, la fille aux grandes jambes ou la fille en vert, ou parfois certains connaissent leur nom, mais certains vont aussi juger la scène un petit peu trop vulgaire. Mais ça, il y a toujours des spectateurs pour remettre Hollywood dans le droit chemin. Ah bah, c'est la scène de loin la plus érotique du film. Ouais, ouais, ouais, elle ressemble pas mal à Un Américain à Paris dans ce sens-là, où il y a aussi un moment assez sensuel dans le ballet d'Un Américain à Paris, ouais. Du coup, c'est le même. Mais je crois que la seule interdiction qu'ils avaient, c'est qu'il fallait pas qu'elle mette ses jambes autour de sa taille. Enfin, ils avaient quand même des petites interdictions à ce moment-là. Bah, je crois que la séquence a fait un peu tiquer le production code, le Brin Office, c'est-à-dire le code d'autocensure, parfois appelé le code Hays, qui était chargé à l'intérieur de l'industrie, hein, c'est les producteurs et les distributeurs qui pratiquaient une sorte d'autocensure préventive pour que leur film ne soit pas interdit dans les États lors de son exploitation. Et là, effectivement, il y a eu des avertissements. On peut les trouver même sur Internet. Il y a des mémos et des lettres concernant les tenues parfois déshabillées des personnages, donc attention. Et puis ce numéro de séduction. Et apparemment il y a dans ce ballet un faux raccord manifeste qui est souvent noté d'ailleurs chez les fans, qu'on voit pas forcément à la première un jump cut à la première vision, qui sans doute est dû à une pose peut-être un peu trop suggestive, sexuellement suggestive de Cici Harris dans sa robe verte. Et là, c'est toujours les mystères du production code, c'est qu'il y a des choses qui vont passer et des choses qui ne passent pas, parce qu'il y a quand même un certain nombre de poses suggestives dans cette séquence. Alors, moi, j'ai une autre anecdote qui est relatée dans le film Singing in the Rain, The Making of an American Masterpiece de Earl Hess et Pratibha Dabholkar. C'est sur le duo de Cici Harris, pas celui de la robe verte, mais celui du voile géant qui est propulsé dans les airs par des hélices d'avion, je crois. Sitcharis, c'était très très dur d'arriver à danser avec un... Oui, on voit, on imagine vent, pourquoi c'était voilà. difficile. Parce que c'est un voile géant qui s'envole dans des directions différentes à mesure que la chorégraphie progresse. Et sur le compte-rendu du tournage par les auteurs que je viens de citer, l'équipe s'attela le 6 novembre au tournage complexe de la danse du voile fou. Entre 8h et presque 11h, ils mirent en place les plans en répétant avec des doublures, prenant bien soin à régler correctement les mouvements des trois moteurs d'avion à hélice qui soufflaient en l'air pour animer le voile. Ils tournèrent trois prises, puis passèrent un moment à réparer le voile qui s'était déchiré pendant la dernière prise. Après la prise numéro 6, l'équipe fit une pause de 15 minutes afin que le costumier Walter Plunkett puisse remédier à un problème qui s'était révélé à propos du costume de Sitcharis. Et là, c'est là où je voulais en venir. Il était déjà un peu court, mais avec le vent, la pression le raccourcissait encore plus. En conséquence, cela exposait quelques poils pubiens qui devenaient très visibles quand l'intérieur de ses cuisses était exposé à l'objectif de la caméra. Ce problème n'était pas une surprise pour l'équipe. Il s'était déjà manifesté pendant les répétitions. Plunkett avait essayé d'arranger les choses plusieurs fois et venait annoncer régulièrement, d'après Donen, on a vaincu l'entrejambe de Sitcharis. Sid avait beau s'être rasé, il était évident le 6 novembre que le problème n'était pas résolu. L'assistant réalisateur Marvin Stewart consigna pudiquement dans son rapport de tournage que l'équipe avait dû attendre de 11h35 à 11h50 une, citation, retouche de costume pour éviter exposition excessive de cuisses. Quand la danse fut terminée, tout le monde s'accordait pour dire que le problème de la cuisse de Sid était resté entier. Il était toujours possible de distinguer une fine zone de poils pubiens à la lisière de son costume. Donen reçut l'ordre de s'occuper du problème en laboratoire. Il supervisa l'application de peinture blanche pour masquer les poils sur la pellicule. Et cette retouche de peinture reste visible aujourd'hui. En fait, Donen trouve qu'elle se voit encore plus avec le passage du temps parce que les composants du Technicolor qui contribuaient aux chatoyantes couleurs du film ont tendance à s'atténuer avec les années, contrairement à cette peinture blanche. Résultat, selon Donen, citation, « L'entrejambe de Sid a commencé à s'illuminer comme un néon. » Ah bah alors là, je ne verrai plus cette scène comme avant. Hein. On enlève un peu de la magie de la séquence. En rentrant chez moi, je vais regarder la séquence pour voir cette histoire de peinture. Parce que... C'est fait pour l'anecdote. Bah justement, on voulait parler d'anecdotes de tournage, donc là, on commence en beauté. Il y a toujours plein d'anecdotes sur le tournage de la scène de la chanson-titre avec la pluie, etc. Quelles sont les anecdotes? L'histoire qu'ils ont tellement utilisé d'eau... Non, il n'y avait pas assez d'eau, il n'y avait pas assez de pression parce que c'était un jour très chaud à Los Angeles et tout le monde utilisait les arrosages automatiques. Apparemment, ça, c'est un peu comme ça que la rumeur ensuite s'est propagée, mais les chercheurs qui ont fait le livre très détaillé sur Chanson sur la pluie, qui donc ont consulté toutes les fiches de préparation du film, le plan de travail, les feuilles de service, etc., disent que le problème a été en fait a été constaté par les techniciens responsables des effets de pluie quelques jours avant, parce qu'ils avaient fait des essais à plusieurs heures de la journée pour savoir si la pluie... voilà, c'est très compliqué de photographier une scène de pluie. Donc ça demande beaucoup d'essais pour les éclairages notamment. Là, c'est une scène de nuit, donc voilà. Ils ont fait beaucoup d'essais. Et pendant, au cours de ces essais, ils ont constaté qu'en fin d'après-midi, la pluie baissait. Enfin, le débit d'eau baissait. Ils sont allés vérifier le château d'eau du studio. Parce que tous les studios avaient un château d'eau qu'on voit souvent d'ailleurs dans les dans les films sur Hollywood. C'était pas ça, etc. Ils ont fini par se rendre compte que comme c'était effectivement l'été, il faisait très chaud. C'était l'heure où les gens rentrant de leur travail arrosaient leur pelouse et donc sur toute la région le débit d'eau baissait parce que beaucoup de gens utilisaient l'eau. Ce qui fait que dans la feuille de service, il était bien spécifié qu'il fallait qu'ils aient terminé en milieu d'après-midi le tournage de la scène. Et en fait, ils n'avaient pas tout à fait fini, mais ils ont repris le lendemain. Oui, on pense souvent que c'est une scène qui a été tournée une fois, mais pas du tout. Elle a été tournée en plusieurs jours. Il paraît que Gene Kelly était très malade, par ailleurs. Mais ça fait partie des grandes anecdotes du film où, sur les maladies. Apparemment, oui. Alors, Gene Kelly disait « Oui, j'avais 42 fièvres sur le tournage ». Betsy Blair, qui était sa femme à l'époque, dans ses mémoires, explique qu'il était quand même en convalescence, qu'il avait été malade, mais une infection grave, sinusite, etc., et qu'il n'était pas tout à fait remis. Mais si Gene Kelly se souvient d'avoir été fiévreux, c'est peut-être aussi parce que c'est des numéros qui sont extrêmement répétés, qui sont répétés plusieurs fois, donc il a dû avoir des arrêts de travail. Il y a eu plusieurs arrêts de travail, d'ailleurs, sur ce film, dû aux conditions de tournage. Par exemple, je crois que Make Him Laugh, il était tellement fatigué, enfin épuisé à la fin du tournage, qu'il a dû prendre 3 jours de repos. Et quand il est revenu des 3 jours, le producteur lui a annoncé qu'il y avait eu un problème de pellicule et qu'il devait refaire. Il lui a pas annoncé comme ça. Il lui a dit « Ah, c'était bien ce numéro 1, pas trop dur à faire ». Donald O'Connor, après les 3 jours de repos, « Non, tout va bien. Eh ben, je vais t'annoncer une bonne nouvelle, tu vas devoir le refaire ». Après, le numéro titre aussi, ce qui était dur, c'est que, et d'ailleurs, ils en ont reparlé quand la comédie musicale a commencé au Châtelet, c'est que du coup, le costume était mouillé, donc pour un danseur, c'est super dur, ça alourdit beaucoup. Enfin, c'est un numéro qui nous paraît super léger et incroyable au niveau du rythme, mais qui a été très très dur. Pour Gene Kelly. Et paraît-il, alors, je crois que c'est Donald O'Connor qui raconte ça, qu'un jour, il est, est-ce que c'était pendant la répétition ou entre les 2 jours de tournage, qu'il est arrivé un soir et puis qu'il a vu que le costume de Gene Kelly avait beaucoup rétréci. Oui, c'est ça, il était en laine, du coup. 2 jours de plus et ça aurait été un crâne. L'anecdote que je trouve amusante, c'est l'histoire de doublage à l'intérieur du film avec Debbie Reynolds, qui dans le film est censée doubler le personnage de Gene Hagen. Elle est doublée par une certaine Betty Noyes quand elle chante la chanson Would You? Alors qu'à ce moment-là, elle est censée devoir doubler Gene Hagen dans le film. Et elle est doublée, encore plus amusant, dans la séquence où par-dessus le dialogue, elle doit le refaire de manière élégante. Et en fait, c'est la voix de Gene Hagen qu'on entend se doubler elle-même, en fait. Oui, parce que Gene Hagen, qui joue le rôle de Lina Lamont, faut pas oublier que là, elle prend une voix nasillarde et grinçante, puisqu'elle est censée ne pas passer le cap du cinéma parlant et toute la stratégie des personnages, le grand problème de tous les personnages du film pendant presque toute la première moitié du film, c'est qu'il faut pas qu'on l'entende parler en public. He holds her in his arms. Would you he tells her of her charms. Would you, they met as you and I, and they were only friends, but before the story ends. Alors, justement, pour continuer sur ces histoires d'anecdotes, Fanny, toi, tu voulais parler d'un numéro de Gene Kelly qui n'est pas dans le film final. Oui, tout à fait. Une version de All I Do Is Dream of You, la chanson que Debbie Reynolds chante en sortant de son gâteau. Eh bien, le personnage de Gene Kelly la reprend un petit peu plus tard, une fois que les deux personnages se sont rencontrés pour la première fois. Et il la reprend sous une autre forme, une version beaucoup plus de style ballade, beaucoup plus lente. Et alors, un audio en fait existe de cette version, je le sais parce que je l'écoutais beaucoup quand j'étais plus jeune. Mais on n'a pas d'image filmée, on a quelques photos, parce que c'est une chanson qu'il chantait dans sa chambre, en pyjama. Mais on a disparu en tout cas, les prises filmées de cet extrait. Donc peut-être qu'un jour, on le retrouvera et on pourra faire une version augmentée de Chantons sous la pluie, comme ça avait été le cas pour A Star Is Born, qui est ressorti plus tard avec des numéros en plus par rapport à la version originelle. Apparemment, il y a des collectionneurs qui gardent, mais bon, c'est peut-être des légendes urbaines. Bah, je crois que les collectionneurs de Judy Garland, pour le coup, sont hyper forts pour avoir récupéré des trucs. Il faudrait qu'on ait des collectionneurs de Gene Kelly aussi à la pointe. Ce qu'il y a, c'est que, apparemment, c'est un peu différent parce que il me semble que pour Une étoile est née, une partie des rushs avait été gardée puisque c'est un film Warner. Mm-hmm. Donc, et Warner n'a jamais déménagé, enfin, je veux dire, n'a pas changé de main. Pour MGM, c'est un peu différent, mais là, comme ça, c'était dans une preview que ça a été constaté, le film n'a jamais été exploité. Comme ça, il n'y a même pas eu de première publique. Donc peut-être que même il n'a pas été mixé avec avec cette séquence-là, parce que pour faire le mixage définitif, peut-être qu'ils attendaient dernier moment. Donc moi, j'ai un peu peur qu'on retrouve jamais. Ou c'est encore comme la version. Non, on va pas en finir hein, sur les versions qu'on disparu, mais genre la version apparemment encore plus hot d'un numéro de Judy Garland dans Le Pirate. Que oui. Meilleur aurait dit brûlez-moi ce négatif tellement c'était ouais. Indécent encore. Je sais pas si c'est vrai, mais moi j'aimerais bien avoir ça. Ah oui. Et on a là, il y a la bande sonore aussi de ce oui. Numéro. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi, c'est quel numéro? C'est Voodoo Number. Ah ouais. Oui, bien sûr. Et du coup, comme pareil, ayant écouté l'audio pendant toute mon adolescence, ouais. J'ai mis du temps à réaliser que le numéro n'était pas dans le film. All I do the whole night through is dream of you. And with the dawn I still go on dreaming of you. You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing. Summer, winter, spring. Vous souhaitez dire quelques mots peut-être sur cette place de ce film dans l'histoire à la fois du cinéma et du classicisme hollywoodien, parce que bon, on l'a déjà dit hein, c'est un film sur le cinéma, donc c'est aussi sans doute pour ça qu'on l'aime tant, et il fait partie de cette grande série des films qu'on dit métafilmiques sur Hollywood du début des années 50. On a Sunset Boulevard, on a Les Ensorcelés de Minelli, qui sont d'autres films qui vont... La Comtesse au pied de mur. Et d'ailleurs, j'ai lu que Gene Kelly avait été envisagé pour le rôle principal de Boulevard du Crépuscule, finalement joué par William Holden, donc tout se recoupe encore une fois. Donc, et comme Danny Green avait adoré Boulevard du Crépuscule, je pense que ça fait partie de ce qui les a inspirés. Disons que Lina Lamont, c'est la version un peu comique, ridicule de Norma Desmond, de l'héroïne de Boulevard du Crépuscule. Mais pas encore vieillissant. Non, c'est ni, vrai. Ni des Cathy. Mais c'est vrai que c'est un film dont la stature n'a cessé de croître au fil des ans, parce que quand il est sorti, en fait, il est sorti en pleine promotion de Un Américain à Paris, qui venait de gagner l'Oscar du meilleur film, ce qui n'était pas arrivé pour un musical depuis très longtemps, je crois depuis La Route Sommet d'Étoiles, qui est en fait pas un musical à 100%, en 1944. Et donc, plutôt que de mettre le paquet pour la promotion de Chantons sous la pluie, il y a eu une ressortie de Un Américain à Paris, ce qui fait que les deux films étaient un peu concurrents, alors avec la même star, et ça a forcé à un moment donné peut-être les gens à choisir, et l'un des symptômes de ça, c'est que d'ailleurs le film n'a remporté aucun Oscar, il a eu très peu de nominations, à part celle de Jean Hagen qui ne l'a pas eu, hein, pour le meilleure actrice dans un second rôle, et puis un Oscar spécial mais qui n'est pas voté pour Jean Kelly. Et en fait, je crois que ce qui a beaucoup contribué à reconnaître le film comme un classique de plus en plus. D'abord, ça a été auprès du public. Il y a eu des ressorties du film dès la fin des années 50. Puis la télévision, énormément aux États-Unis. Puis, dans les années 70, la sortie de ces films d'anthologie, Il était une fois à Hollywood, That's Entertainment, qui ont remis sur le devant de la scène les musicals MGM des années 30 jusqu'aux années 50. Et parallèlement à ça, il y a eu les chercheurs, les commentateurs, les historiens, les intellectuels qui se sont intéressés de plus en plus à l'histoire de Hollywood et à ce qu'on appelle la mise en abîme, c'est-à-dire le film dans le film, l'auto-réflexivité d'Hollywood parlant d'elle-même à une période où Hollywood elle-même est menacée par le système des studios est en déclin. Et parallèlement à ça aussi, des études de plus en plus sérieuses, d'ailleurs parfois presque trop sérieuse, sur le genre de la comédie musicale, qui est resté, qui est considéré quand même dans l'esprit des gens et de certains critiques ou esthéticiens du cinéma comme un genre frivole, léger, etc. Ce qui a amené justement les défenseurs de ce genre à le prendre encore plus au sérieux, comme pour légitimer un petit peu l'exégèse savante du genre lui-même, et en particulier du parangon du genre musical qui est Chantons sous la pluie. C'était juste pour abonder dans ton sens sur le côté, ça a mis très très longtemps à être pris au sérieux, et lorsque ça entre dans la théorie, c'est par le biais de la théorie sur le genre de la comédie musicale, enfin ce qu'on appelle la théorie des genres cinématographiques, notamment le livre de Rick Altman. Donc oui, c'est pas avant la fin des années 70 que ça, oui, que ça commence à être... Cela dit, il y a aussi le courant cinéphile français. Qui sont les seuls à vouloir réhabiliter le genre. Dès le début des années 50, lorsque naissent les Cahiers du cinéma et Positif, notamment, qui s'opposent sur énormément de points, la comédie musicale les réunit un petit peu. Mais ce qui est intéressant pour Chantons sous la pluie, c'est que en général, c'est le film que même les détracteurs de la comédie musicale aiment, parce que y a plein d'autres choses que les aspects uniquement musicaux, chantés et dansés dans le film qui plaisent au public. Simplement, peut-être sur le fait que, comme on l'a dit, c'est un film donc des années 50, au moment où le système des studios commence à être menacé. Moi, ce qui m'a toujours amusé, c'est de constater que les grands films qui restent comme les grands classiques de l'histoire de la comédie musicale, que sont Tous en scène, donc The Bandwagon et Chantons sous la pluie, sont finalement des films plutôt tardifs dans l'histoire du genre. Et ça, je pense qu'on n'en a pas toujours forcément très conscience. Je pense que c'est surtout parce qu'on est en France. Pour les Américains, il y a un premier âge d'or qui est les années 30, Busby Berkeley, Fred Astaire, etc. Ensuite, il y a les films MGM, notamment produits par Arthur Freed, à partir en gros de 39, Le Magicien d'Oz, mais surtout quand Freed et Minnelli font ensemble Le Chant de Missouri, Meet Me in St. Louis. Donc là, c'est... Pour les Américains, c'est la décennie prodigieuse qui va s'arrêter en 54-55, avec plein d'autres facteurs qui vont faire que les contrats sont pas renouvelés avec les interprètes, avec les réalisateurs, avec les chorégraphes. Et par contre, en France, évidemment, au début des années 40, c'est l'occupation, le cinéma américain est interdit, les films vont déferler, et dans la deuxième partie des années 40, la comédie musicale va être un peu vue comme l'apothéose du mauvais goût américain, et notamment pour la critique un peu académique. Et contre cette tendance vont s'insurger les cinéphiles dont j'ai parlé, avec les revues cinéphiles, les ciné-clubs qui montrent des comédies musicales, mais avec cette impasse qui est faite sur le début des années 40. Et finalement, ce qui va beaucoup plaire, c'est les films qui sortent à cette époque-là, c'est-à-dire au début des années 50, et qui donnent l'impression pour le public français d'une apothéose qui est un peu vraie, dans le sens où l'apothéose, c'est le summum, c'est quand c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Mais on peut pas encore complètement le dire. Et entre 52 et 57, si c'est des derniers feux, ils sont vraiment, c'est des derniers feux éblouissants, quoi. Car il y a souvent aussi la concurrence de la télévision qui est évoquée pour le déclin du système des studios. Ce que j'ai trouvé assez rigolo dans les preview cards, c'est que les spectateurs, au sujet de Chantons sous la pluie, j'en ai au moins deux qui disent vraiment merveilleux, des comédies musicales comme ça, et je jetterai mon poste de télévision, ou encore plus de films comme ça, et je n'allumerai plus ma télévision. Donc, ils mettent vraiment la splendeur de la comédie musicale au regard de cette concurrence de la télévision. This is the proper setting. Why, it's just an empty stage. At first glance, yes. But wait a second. A beautiful sunset. Mist from the distant mountains. Colored lights in a garden. A lady is standing on her balcony in a rose-trellised bower. Flooded with moonlight, we add 500,000 kilowatts of stardust. A soft summer breeze. And you sure look lovely in the moonlight, Kathy. Et dans Chantons sous la pluie, donc parmi les numéros qui sont spécifiquement sur le cinéma, qui rendent hommage au cinéma, il y a notamment le numéro You Were Meant for Me. Et je crois que Pauline, tu souhaitais nous en dire quelques mots. C'est mon numéro préféré, mais c'est parce que je suis très sentimentale. Et du coup, c'est là où on voit vraiment... Enfin, il y a un double niveau dans cette séquence qui est... Donc lui, il veut avouer ses sentiments et en fait, il n'arrive pas à le faire de manière normale. Donc il ouvre comme ça ce studio de cinéma où il y a ce plan magnifique, plan large, où on les voit tous les deux dans l'encadrement de la porte. Et c'est très très beau et du coup, il rentre et en fait, il lui explique un peu comment il va créer un film pour lui avouer ses sentiments. Il va faire un faux balcon avec une petite échelle. Enfin ouais, c'est très très beau. Et d'ailleurs, Gene Kelly refait le coup. Alors je sais plus si c'est avant ou après à Judy Garland dans La Jolie Fermière. Ouais. Ouais. Quand j'ai vu ce film, je me suis dit, ah, il avait vraiment ce petit truc. Et donc ouais, il y a à la fois lui qui fait un film pour cette fille, et puis à la fois Stanley Donen qui lui nous filme cette séquence. Donc c'est cette double manière de montrer cette scène, et je trouve que c'est vraiment une des plus belles scènes de déclaration d'amour au cinéma. Après, l'autre chose qui m'intéresse, c'est que j'aime bien cet aspect de la comédie musicale où en fait les sentiments naissent quand on chante la chanson, et là on le voit vraiment dans cette séquence-là où on ne sait pas s'il avait des sentiments avant, mais chanter la chanson, ça fait naître ses sentiments, ça met des mots dessus, et voilà, il y a toujours ça dans la comédie musicale où on ressent quand on chante, quand on entend la musique. Il était question qu'ils entrent et puis qu'il y ait une sorte de décor de film enchanté, etc. Et finalement, c'est là où Kelly Donen, je pense que en tant que tandem, ils sont très forts. Ils décident que ce sera un studio de cinéma désert et de jouer avec tous les accessoires. Et c'est là qu'on voit que même en reprenant des idées qui ont déjà été employées dans des films précédents, je pense au studio de cinéma désert où Gene Kelly séduit Catherine Grayson dans Anchors Away, réalisé par George Sidney. Je pense à cette scène dont tu parlais de You Wonderful You dans Summer Stock, qui est sur une scène de théâtre déserte. Là, c'est encore plus la mise en abîme, puisqu'on est dans un film et qu'on nous raconte comment on fait ça dans un film. Mais surtout, ça répond à cette question, à cet éternel problème que se posent les scénaristes de comédie musicale depuis 1927. C'est comment faire en sorte que des gens qui sont saint d'esprit, à peu près normaux dans la vie, parle comme vous et moi, tout d'un coup se mettent à chanter, tout d'un coup se mettent à danser, sans que ce soit ridicule pour le spectateur. Et dans, par exemple, dans Un Américain à Paris, c'est fait d'une manière très très progressive dans avec le duo sur les quais de la Seine, entre Gene Kelly et Leslie Caron. C'est un peu genre, d'abord chante-moi une chanson pour voir, et puis il chante. Et une fois chanté, du coup, ça peut faire venir l'orchestre, et très progressivement, le pas va devenir danse. Mais voilà, c'était un vrai casse-tête pour les scénaristes. Donc, quand ils avaient la chance d'avoir l'idée que les personnages principaux sont dans le monde du spectacle, que ce soit le cinéma ou le théâtre, eh ben, à un moment donné, il est naturel que quelqu'un qui est dans le monde du spectacle, en plus qui est dans une scène, sur une scène de théâtre ou dans un studio de cinéma, soit de façon naturelle, soit de façon volontaire et délibérée comme ici, disent par exemple à sa partenaire, voilà ce que je te chanterais si j'étais dans une comédie musicale, en gros. Il y a des commentateurs, il y a des historiens qui disent que c'est une des raisons pour lesquelles le genre est en désaffection dans les années 50, parce que le public, il y a le code de production de censure qui a un peu baissé les bras. Le public a envie de voir peut-être des choses, ou s'habitue à des choses plus réalistes, ou plus crédibles en tout cas à l'écran. À la fin des années 50, il y a même un retour du noir et blanc pour énormément de grands cinéastes qui avaient fait des films en couleur au début de la décennie. Donc le musical est censé représenter une sorte de genre factice où on n'est pas comme dans la vie, un peu ridicule. Et je me souviens quand Bob Fosse réalisera Cabaret, il dira ben moi quand j'ai débuté à la MGM, on pouvait montrer un personnage qui se met à chanter et à danser spontanément, mais maintenant je peux plus. Ce qui fait qu'en adaptant Cabaret, j'ai coupé toutes les chansons et toutes les danses qui n'étaient pas sur la scène du cabaret. Est-ce que je pense que ça fait une heure qu'on parle du film? Donc, on a dit vachement de choses, il y aurait encore vachement de choses de plus à dire, mais voilà, je me disais qu'on pouvait passer à la question de l'adaptation scénique du film. Donc on a essayé de se renseigner avec Fanny, mais c'est pas évident parce qu'en fait, il y a pas beaucoup d'infos sur les différentes versions et notamment les versions qui datent des années 80. Donc le film a été adapté sur scène à Londres d'abord en 1983, puis à Broadway à 1985, sachant que ce n'est visiblement pas la même version. Et nous, les versions qu'on connaît le plus, c'est donc celle de Londres en 2012, qui est une version complètement remaniée, où il y avait d'ailleurs ajout de chansons supplémentaires, dont You Stepped Out of a Dream, qui est une chanson composée par Nashua Brown, mais pas du tout avec les paroles de Arthur Freed, et aussi l'ajout de la chanson chantée par le personnage de Lina Lamont. Et cette songlist de Londres 2012, si on ne se trompe pas après moult recherches, c'est aussi celle de la version qui s'est jouée au Châtelet en 2015. Et alors, petite anecdote, moi je l'avais vu, cette version-là, en France, ça n'avait pas bien marché, mais c'était en français, et c'était à la Porte Saint-Martin. Et c'était assez intéressant parce que c'était les dialogues étaient en français et les chansons étaient en anglais. L'interprète principal, je me souviens plus de son nom, c'était un Américain, donc quand il parlait, il avait l'accent américain, et du coup, c'était... Dans mon souvenir, assez réussi, mais évidemment beaucoup moins spectaculaire et beaucoup moins parfait que la production récente de Jean-Luc Chopelin au Châtelet, mise en scène par Robert Carson. Parmi donc les différences notables, il y a celle que j'aime vraiment beaucoup, c'est justement le fait que Lina ait droit à une chanson. Je m'interroge toujours sur dans les films musicaux ou même dans les pièces, qui sont les personnages qui ne chantent pas et pourquoi. Et souvent, ce sont les personnages de méchants. Oui. Et souvent, ce sont les personnages à qui l'œuvre n'a pas envie d'ouvrir son point de vue. Et du coup, le fait que Lina, dans la pièce, accède au chant, ça fait que ça lui offre une voix. Et ça nous permet, pendant le temps de cette petite chanson qui s'appelle « What's wrong with me », d'avoir son point de vue à elle, etc., le fait qu'elle comprenne pas trop, en fait, la situation, elle comprend pas pourquoi Don n'est pas amoureux d'elle, qu'elle comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à le séduire. Et voilà, j'aimais bien cette idée de réhabiliter le personnage de Lina à travers un numéro musical spécialement pour elle. Et donc, cette chanson de Lina, elle est bien dans la version de Londres et celle de Paris. Oui, tout à fait. Et l'autre différente que j'avais trouvée amusante, c'est dans le numéro Mosey Supposes, le fait que la prof de diction vienne compléter le duo, donc qui dans le film est entre Don et Cosmo, et elle vient danser avec eux. Ouais. Oui, et du coup ça devient un trio de claquettes, et j'ai toujours adoré, en fait, pour vous dire, l'acteur qui joue le rôle du prof de diction dans Chantons sous la pluie. Mosey Supposes est un numéro qui est très sous-estimé parce que comme il y a beaucoup de moments comiques et de gags dans ce numéro, on a tendance à sous-estimer sa chorégraphie, qui est sans doute l'une des plus virtuoses en termes de duo de claquettes de l'histoire du cinéma. Mais moi j'adore en fait ce vieil acteur dont on peut le vérifier sur IMDb, qui s'était fait une spécialité dans les années 40 de jouer le rôle de Hitler dans les films de guerre. Il a joué 11 fois le rôle d'Hitler. Et là, il fait le prof de diction, un petit peu dictatorial, mais qui n'arrive pas du tout à ses fins et qui finalement est complètement dépassé, puis un peu subjugué par ce qui se passe autour de lui avec ses deux merveilleux danseurs. Ce qui est marrant, c'est que autant il est subjugué dans le film, enfin le prof est littéralement renversé par les danseurs, ici, dans la version scénique du Châtelet, comme elle prend part à la danse, il y a quelque chose d'encore plus fort quand t'as cette idée d'entraîner dans le bonheur et dans l'effervescence, bah, par la claquette. Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. A mose is a mose. A rose is a rose. A toes is a toes. Hop de doody doody Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. Moses, he noses, his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be. Moses supposes his toes are roses, Moses supposes they're only a flea. Moses knows his toes are roses, as Moses supposes his toes to be. Alors, Qui ici a vu à la fois la version de Londres et la version du Châtelet? Moi. Je connaissais la réponse. Et donc, tu avais quelques différences que tu avais notées entre les deux versions? Alors, la première différence, donc entre la production de Londres de 2012 et celle du Châtelet en 2015, enfin, en tout cas, la différence qui m'a vraiment frappée aux yeux pendant le cours de la représentation, c'est à propos de Make 'Em Laugh. Je pourrais pas être très précise au niveau de la chorégraphie, bah, car vous le savez, les captations sont rares et il est donc compliqué de voir où se situent les différences entre les deux chorégraphies. Mais ce que je me rappelle vraiment, c'est que j'ai été conquise par la version de Londres. Alors, faut dire que c'est le même interprète que j'ai pu voir à Londres et à Paris dans le rôle de Cosmo Brown. Il m'a donc beaucoup plu dans la version de Londres, avec une chorégraphie très acrobatique et qui surtout jouait beaucoup sur la connaissance du film par les spectateurs de la pièce. En fait, je m'explique. Par exemple, à la fin du numéro, dans le film, Donald O'Connor effectue une série de sauts spectaculaires en marchant sur un mur, donc c'est évidemment moins facile de le faire à la scène, hein, d'autant qu'il faut chanter en même temps que l'on danse, hein, y a pas de post-synchronisation sur une scène de théâtre. Donc en fait, dans la version de Londres, il y a des accessoiristes qui passent, parce que le numéro, comme dans le film, se déroule sur un plateau de tournage, donc des accessoiristes passent et portent un mur. Et à ce moment-là, Cosmo fait mine de s'élancer vers eux avec le roulement de tambour caractéristique qui est dans le film. Mais finalement, ben, il ne le fait pas. Donc il y a vraiment cette petite note humoristique avec ce jeu dans les attentes du spectateur par rapport au film. Mais des traits d'humour qui fonctionnent aussi en fait si on n'a pas vu le film. Donc ça vraiment, ça m'a beaucoup plu. Et c'est pas quelque chose que j'ai retrouvé dans la production du Châtelet. En tout cas, le jeu avec le film ne me semblait pas aussi présent dans ce numéro. Donc voilà, c'est vraiment mon ressenti de spectatrice un petit peu sur le vif. La chorégraphie de la version du Châtelet m'a semblé moins spectaculaire, moins acrobatique. Et j'ai trouvé ça un peu dommage, bah, d'autant que je savais que l'interprète était capable, hein, puisque c'était le même. Voilà, c'est juste un petit regret par rapport à ce numéro, mais bon, qui est peut-être simplement lié au fait que c'est un numéro que j'aime beaucoup dans le film, donc voilà. Et un autre choix de la production du Châtelet qui m'a pas énormément plu, c'est celui des costumes. Alors, autant la production de Londres a fait le choix de costumes très flamboyants, vraiment un hommage au Technicolor du film, qui je pense est une des raisons pour lesquelles on aime le film. Et le parti pris de la production du Châtelet, c'était au contraire de faire des costumes en noir et blanc, selon, je crois, le costumier qui explique en fait que c'est pour évoquer de façon plus directe l'époque dans laquelle c'est censé se passer, donc c'est-à-dire les années 20. Je pense que c'était une idée du metteur en scène, hein, de Robert Carson. Je crois, puisque c'est pas que les costumes, c'est aussi les décors. Ouais. Donc les décors sont en noir et blanc. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant... D'abord, je les ai trouvés très beaux. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça aiguise chez le spectateur le désir de couleur qui n'apparaît que dans le final. Et à la fin, on a une sorte de déluge de couleurs et qui correspond à l'un des principaux moteurs, finalement, du scénario ou du livret de Chantons sous la pluie, qui est d'un spectacle problématique, on va arriver à faire un spectacle qui est spectaculaire et chatoyant en le transformant en musical. Donc voilà, ils ont élargi cette idée-là à l'ensemble de la mise en scène avec c'est vrai que c'est très radical, mais je trouvais moi pour ma part que c'était assez beau et assez réussi parce que le noir et blanc et de toute façon préférable au bariolage quand les couleurs sont pas réussies. Mais là, en l'occurrence, quand les couleurs arrivent, du coup, on est comme saisi par le final. Les gens sont avec des parapluies de toutes les couleurs, et puis les cirés jaunes du prologue du film qui réapparaissent à ce moment-là. Moi, j'ai eu un peu l'impression inverse, c'est que quand ils sont arrivés tous avec leurs costumes super colorés, je me suis dit « Oh non, mais ça aurait dû être plus comme ça !» Enfin, j'avais un peu un regret du reste de la pièce, donc plutôt, finalement, une frustration. Je suis assez d'accord que moi, le noir et blanc m'a un peu bloqué. Ça manquait un peu de folie, je trouve. Bon, j'ai quand même pris mes places pour le Grand Palais. Oui, du coup, sur la question de l'adaptation, il y avait cette histoire des écrans, en fait, qui apparaissent, parce que c'est quand même... une œuvre qui parle de cinéma, donc c'est facile de la mettre en scène dans un film, mais qu'est-ce qu'on fait du cinéma au théâtre, en fait? Du coup, je ne connais pas la version de Londres. Dans la version du Châtelet, il y avait beaucoup ces écrans en haut de la scène. C'est vraiment un choix du Châtelet que moi, personnellement, je n'ai pas du tout aimé. Enfin, vraiment, ça m'a... ça m'a beaucoup choqué au début. Enfin, je suis désolée d'employer ce mot, mais c'est ce que j'ai dit à tout le monde après l'avoir vu. J'ai trouvé que ça faisait vraiment tarte, en fait. Du coup, encore une fois, désolée, mais le Châtelet présente Chantons sous la pluie comme un générique de film. Ça m'a beaucoup déplu. De toute façon, la question de l'utilisation des écrans au théâtre, c'est toujours épineux, hein. C'est compliqué d'utiliser les écrans. Ce qui est intéressant, c'est que depuis toujours, les films musicaux empruntent à Broadway, empruntent au théâtre, et les adaptations... c'est vrai que c'est quand même plus facile de ne pas avoir à payer quelqu'un pour écrire des chansons, etc. Et puis, on est sûr que c'est déjà des succès. Enfin, un petit peu comme à Bollywood où on lance les chansons des films des mois avant pour que comme pré-marketing ou comme teaser des films. Donc, dans le sens Broadway vers Hollywood, ça a toujours été... c'est une tradition. Dès les premiers films musicaux, il y a des hommages à Broadway. Peut-être aussi pour justifier cette convention qui est très acceptée au théâtre, que des personnages peuvent chanter et danser. Il y a cette théâtralité qui est souvent insistante dans les films musicaux. Et de façon générale, jusqu'à assez récemment, les transpositions de musicales originellement écrites pour le cinéma sur la scène n'ont jamais vraiment très bien marché. Meet Me in St. Louis. Ouais. Enfin, du coup, on avait quelques des exemples de films notamment de la Fluid Unit qui ont été adaptés sur scène. Il y a Gigi, qui donc date de 58, a été adapté en 73 à Broadway. Meet Me in St. Louis, 89. Récemment, évidemment, en Américain à Paris. Ouais. Qui a pour le coup eu beaucoup de succès au Châtelet puis à Broadway. Une production française, c'est rare. Production française. Qui part à Broadway après. Et à Londres. Et à Londres, exactement. Et il y a aussi un des grands succès de, c'est pas la Fluid Units, mais 42nd Street pour le coup, adaptation d'un film. Oui, ça c'était un peu l'exception, c'est-à-dire 42nd Street a été un succès dès sa création, mais parce que c'est pas non plus une adaptation d'un seul film, c'est une sorte d'hommage. Oui, voilà. Quand même, les book musicals, c'est-à-dire les musicals à livret du cinéma adapté. Finalement au théâtre, enfin ont beaucoup tenté pendant très longtemps et n'ont pas tellement réussi. Et je crois que le grand révolutionnaire étrangement dans cette réussite, c'était les studios Disney, parce que les dessins animés Disney adaptés sur scène ont tout de suite été des triomphes, ce qui a peut-être donné une sorte de confiance aux investisseurs de musical scénique dans l'adaptation de succès de l'écran, parce que bon, y a Le Roi Lion, Mary Poppins, Aladdin, etc. La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, bien sûr. Bientôt, La Reine des Neiges. Oui, tout à fait. Après, moi, dans ce sens-là, j'ai quand même préféré Un Américain à Paris, parce que j'avais trouvé qu'au niveau chorégraphique, c'était plus spectaculaire. Enfin, j'avais préféré les numéros dansés, et du coup, j'ai préféré quand même Un Américain à Paris, Chantons sous la pluie. Et moi, non. Moi, j'ai préféré de loin Chantons sous la pluie. Moi, je sais même pas. Moi, je préférais qu'ils aient pris plus de liberté avec l'histoire, mais je pense que c'est vraiment surtout à cause des danseurs que je trouvais très bon. Mais... on fera un numéro sur Un Américain à Paris, évidemment, parce qu'il y a énormément de choses à dire, à la fois sur le film et sur son adaptation scénique. Donc, c'est noté. On prend rendez-vous. Bon, je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses, sans doute pas tout, mais enfin, c'est déjà pas mal. On a une heure et demie d'enregistrement, on verra ce que ça donne au final avec les coupes, mais merci à vous deux d'être intervenus dans ce podcast, et on vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de All That Jazz. À bientôt.